elle en parle, et le cœur est aux givres. Le monde est en attente, et c'est le mal de vivre. Et nos jours se consument comme autant d'éphémères. Mais j'espère, un avion quelque part, bloqué en bout de piste, la liberté otage aux mains des terroristes, le journal du matin sur le match d'hier. Mais j'espère, et l'on parle, et c'est toujours des mots. Dans la rue c'est l'hiver pour ceux qui n'ont pas chaud. Et j'ai mal à la France quand elle marche à l'envers. Mais j'espère comme un homme à la mer, comme un homme qui veut retrouver la terre, comme un enfant bleu au milieu du désert qui regarde en l'air. J'espère, mais j'espère. Et on parle et on parle, on cause, on négocie. On croit que se soumettre, c'est la diplomatie. À brader son honneur, c'est le peuple qui perd. Mais j'espère. On fait carrière de mots, profession de serment. Les mensonges d'État font mal aux petites gens. Et je rentre chez moi, j'ai le cœur en misère. Mais j'espère. Et l'on parle, on devient des moutons. Mais à qui va la laine, c'est une autre question. Excuse-moi mon vieux, si je suis en colère. Mais j'espère comme un homme à la mer, comme un homme qui veut retrouver la terre, comme un enfant bleu au milieu du désert qui regarde en l'air. J'espère, mais j'espère. Mais j'espère comme un homme à la mer. Et je nage et c'est tout ce que je peux faire. J'ai l'espoir accroché comme une brassière. J'ai les idées claires. J'espère, mais j'espère. Mais j'espère comme un amant.